weed illégale pour me mettre calme. Dans ce game, je n'ai pas d'égal. Ma vie, jamais je la déballe, frère. Je prends mon cachet, je décale. Je prends mon cachet, je décale. T'en as pas de peur, t'es une bitch. J'mets ma bite dans tes pétales. J'me régale. Ah ouais, j'me régale comme quand j'suis sur le rap pécale. J'prends ma place et j'm'étale. J'm'étale dans les détails. J'aimerais bien faire un million ou deux ou plus. J'peux la vie luxe, y'a que mon honneur qui est coûteux. J'leur fais pas confiance, ils sont douteux. J'prends mon cas, j'encaisse et j'me casse incessamment sous peu. Toute la journée sous peu, pas de larmes, mais j'ai le cœur en pleurs. Pas de larmes. Pas de la merde, cauchemar, je me réveille en sueur. Cauchemar, cauchemar, merde. J'en ai marre, mon seum prend de l'ampleur. J'en ai marre, merde. Comme quand je vais au plus bas, quand je prends peur. Je m'isole en apesanteur. Et je fume la weed illégale pour me mécale. Pour me mécale, pour me mécale. J'apaise la douleur létale. J'apaise la douleur létale. Yeah. Quand j'en ai plein la gueule, je prends toujours sur ma gueule. Yeah. Mais le seum revient quand je suis seul. Je vais laver tous mes tégales. Donc je fume la weed illégale pour me mécale. Pour me mécale, pour me mécale. Yeah. Je fume la weed illégale pour me mécale. J'apaise la douleur létale. Yeah. Je ne pense qu'à faire d'étale, frère. Je prends mon cachet, je décale. Je prends mon cachet, je décale. Yeah. Faut que je brise sans partir en vrille. Mais l'or sur mes chaînes me rappelle que l'honneur vaut plus que le métal. Yeah. Je fais mes bailles, je fais mes jeux baillés. Je suis ailleurs, je vois le sommet des montagnes du Népal. Je prends ma place et je m'étale. Je sors des draps en satin, d'une petite catin aux cheveux châtains. J'allume un stick dès le matin, plus rien ne m'attend. Yeah. Satan m'attend, je suis seul dans le noir, je me dis va-t'en. Yeah. Quotidien handicapant, on a plus rien des patents. Putain, on dirait que je suis condamné. En attendant, je fais planer. Défoncer tous les jours d'année. J'ai beaucoup de bif à glaner. J'ai pas beaucoup de temps dans mon planning. Désolé, désolé, mauvais timing. J'fume la weed illégale pour me mécale. Pour me mécale. Pour me mécale.